Ça surprend, vivre l'absurde par plaisir. Chaque saison connaît sa part de beaux jours. Chaque pas le signifie au retour, le signifie au retour. Il est le même qu'avant, mais cette fois il rit. Son sourire suffit, il est le même qu'avant, mais cette fois il rit, il ne veut rien de plus, rien de plus. Cette fois, il rit, il ne veut rien de plus, rien de plus.